Bonjour à tous. Aujourd'hui, caille au chou pour 4 personnes. 4 cailles fermières, un chou vert, un gros oignon, 150 g de lardon fumé, 10 baies de genièvre, 25 cl de bière blonde, du sel et du poivre. Faire colorer les cailles assaisonnées 10 minutes à 180 degrés, puis les retirer. Émincer le chou, le faire blanchir 2 minutes, puis les égoutter. Faire revenir l'oignon émincé avec un peu de graisse de canard. Ajoutez les lardons, les baies de genièvre, le chou, assaisonner. Mouillez à la bière, cuisson 30 minutes. Déposez l'écaille sur le chou, nouvelle cuisson 10 minutes à couvert. Servir sur assiette chaude, garniture, petite carotte des sables rôtie, boisson conseillée, une bière rousse artisanale à boire avec modération.